Le concierge avait disposé sur la table, auprès du feu, des côtelettes, de la galantine, une langouste, un dessert et deux bouteilles de vin de Bordeaux. Une réception si bonne émut des lauriers. « Tu me traites comme un roi, ma parole !» Ils causèrent de leur passé, de l'avenir. Et, de temps à autre, ils se prenaient les mains par-dessus la table en se regardant une minute avec attendrissement. Mais un commissionnaire apporta un chapeau neuf. Deslauriers remarqua, tout haut, combien la coiffe était brillante. Puis le tailleur, lui-même, vint remettre l'habit auquel il avait donné un coup de fer. « On croirait que tu vas te marier, » dit Deslauriers. Une heure après, un troisième individu survint et retira d'un grand sac noir une paire de bottes vernies splendides. Pendant que Frédéric les essayait, le bottier observait narquoisement la chaussure du provincial. « Monsieur n'a besoin de rien ?»« Merci, » répliqua le clerc, en rentrant sous sa chaise, ses vieux souliers à cordon. Cette humiliation gêna Frédéric. Il reculait à faire son aveu. Enfin, il s'écria, comme saisi par une idée. « Ah, saprelotte, j'oubliais !»« Quoi donc ?»« Ce soir, je dîne en ville. »« Chez les D'Ambreuse ? Pourquoi ne m'en parles-tu jamais dans tes lettres ?» Ce n'était pas chez les D'Ambreuse, mais chez les Arnoux. « Tu aurais dû m'avertir, » dit Deslauriers. « Je serais venu un jour plus tard. » « Impossible, » répliqua brusquement Frédéric. « On ne m'a invité que ce matin, tout à l'heure. » Et pour acheter sa faute et en distraire son ami, il dénoua les cordes emmêlées de sa malle, il arrangea de la commode toutes ses affaires, il voulait lui donner son propre lit, couché dans le cabinet au bois. Puis, dès 4 heures, il commença les préparatifs de sa toilette. « Tu as bien le temps, » dit l'autre. Enfin, il s'habilla, il partit. « Voilà les riches, » pensa Deslauriers. Et il alla dîner rue Saint-Jacques chez un petit restaurateur qu'il connaissait.